à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 613. Nous sommes le 16 novembre 2024 et l'album de la semaine de cette semaine, justement, c'est, je voulais dire de cette saga, mais c'est pareil, c'est le Ringo, tout simplement, de Ringo Starr en 1973. On dit de cet album que c'était la plus proche réunion des Beatles qu'on puisse faire à cette époque-là. Et bien oui, puisque sur l'album de Ringo figure Paul McCartney, qui n'a jamais vu les trois autres, enfin les deux autres on va dire, parce que Ringo il l'a vu, George Harrison et John Lennon. Donc les quatre ex-Beatles ensemble, ils ont fait un petit morceau et étaient là pendant les sessions. On écoutera justement I'm the Greatest, composé par John Lennon, mais dont John Lennon disait, si moi je dis que je suis le meilleur, on va me prendre pour un gars qui a la tête qui explose. Alors que si c'est Ringo, on va trouver ça marrant. Donc je le file à Ringo. Et voilà l'histoire de cette chanson-là. Il y aura également Sunshine, Life for Me, Sail Away, Raymond, chanson écrite par George Harrison. Je trouve que c'est pas le style de George Harrison, mais justement, c'est bien, bravo George. Et c'est donc Ringo qui le chante. Il y aura You're 16, You're Beautiful and You're Mine, qu'on ne pourrait plus chanter maintenant, à cause de toutes les minorités, pas forcément, mais tous ceux qui se plaignent dès qu'on dit quelque chose. Ceci dit, c'est une chanson qui date du temps où on avait 21 ans et on parlait d'une fille de 16 ans. Ça va. Maintenant, il a 84 ans, c'est pas pareil. Il y aura également « Have you seen my baby ?»« Six o'clock », la chanson de Paul McCartney pour notre ami Ringo Starr. Et on terminera avec la chanson évidente « Photograph ». Il y aura du McCartney, ce sera « Tomorrow ». John Lennon, ce sera « Hold On ». George Harrison, ce sera « True Love ». Et les Beatles commencera avec « One After 909 ». Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve sur Facebook dans le groupe « La saga des Fab Four ». A tout de suite. Je suis le meilleur, c'est pas moi qui le dis, c'est Ringo Starr sur RIG. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. Great. Thank you. quelques mois avant avec le 45 tour It Don't Come Easy et puis Back of Bogaloo, Ringo Starr revient avec ce surprenant album. Il revient carrément au tout premier plan, jouant d'égal à égal avec ses trois anciens partenaires, tout au moins au niveau des ventes. Qui aurait parié là-dessus 3 ans auparavant? La meilleure arme de Ringo Starr, en dehors de son appartenance au groupe le plus connu de la planète, c'est avant tout l'important capital sympathie dont il jouit auprès du public, mais aussi et surtout parmi ses pairs et amis musiciens. Ainsi, lorsqu'il décide d'enregistrer ce disque, il n'hésite pas à convoquer à la fête diverses pointures de la scène rock anglaise et américaine. Les crédits de sa pochette ont tout d'un véritable bottin mondain du rock. En plus de Lennon, Harrison et McCartney, on note en vrac et parmi les plus connus la présence de Klaus Voormann, Billy Preston, Mark Bolan au sommet de sa gloire avec T-Rex, Steve Cropper, Nicky Hopkins, Robbie Robertson, The Band au complet, Harry Nilsson, Jim Keltner, Tom Scott, Jim Horn, Bobby Keys. Du bon linge, comme on dit, pour accompagner notre batteur sur une dizaine de chansons variées et bien troussées, toutes taillées à la mesure de ses capacités vocales limitées. Comme cela était la coutume à l'époque, l'album Ringo a été précédé quelques semaines plus tôt par un 45 tours Photograph, une balade ample et nostalgique qu'on écoutera tout à l'heure, que George Harrison a composé en tandem avec lui, avec guitare acoustique, orchestre à cordes et superbe solo de sax en son cœur. Rapidement classée numéro 1 aux États-Unis, cette chanson aura fait de Ringo un album très attendu qui ne sera l'objet d'aucune forme de déception. Il s'ouvre avec I'm the Greatest, qu'on vient d'entendre, une formidable chanson de John Lennon cousue main pour Ringo, conjuguant habilement une fausse arrogance à une authentique autodérision. Il y fait référence à Billy Shears, vous l'avez entendu, le pseudonyme attribué à Ringo avant son interprétation de With a Little Help from My Friends sur Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band des Beatles. C'est pour cet enregistrement que John au piano, George aux guitares et Ringo à la batterie se sont retrouvés dans un studio de Los Angeles avec Billy Preston à l'orgue et le fidèle Klaus Voormann à la basse. Il n'est donc pas étonnant que ça sonne Beatles ou Diable. Et tout cela va sans dire pour le plus grand bonheur des légions de fans orphelins qui n'en espéraient pas tant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette chanson-là de ce formidable album qui s'appelle Ringo, tout simplement. gonna be alright. You're gonna make the flight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on. See the light. Oh, and when you're warm, really warm, well, you get things done like they've never been done. So hold on. C'était John Lennon, hein, en 1970 sur l'album Plastic Ono Band. Sympa. George Harrison en 1976, True Love sur RG, une reprise de Cole Porter. Extrait de l'album 33 and one third de George Harrison. 33 et un tiers, pourquoi? Parce que c'était l'âge qu'il avait à peu près à cette époque, en 1976. C'était aussi parce que c'était la vitesse de révolution du vinyle à l'époque. 33 tours, un tiers. Voilà, pas plus compliqué que ça. Il aurait peut-être pu faire 45 aussi, si jamais il avait voulu sortir un 45 tours. Je vous l'ai déjà dit, George Harrison avait du mal à trouver des titres. Ceci dit, celui-ci est un titre sympa. Pourquoi pas 33 et un tiers? Bon, revenons en arrière. Nous étions en 1976, nous revenons en 1970 sur l'album Let It Be. Cette chanson, en fait, a été enregistrée en 1963, mais elle a été gardée dans les tiroirs parce que sans doute il y avait suffisamment de chansons pour l'album précédent, parce que peut-être George Martin n'était pas satisfait. Ils l'ont refait en 1970, un peu plus rythmé, un peu plus bien quand même. C'est une vieille chanson au niveau des Beatles. C'est 1 après 909, c'est-à-dire 910 quoi. 1 after 909. Les Beatles sur RIG. Les Beatles sur l'album Let It Be sorti en 1970. Depuis le début de cette émission, nous avons écouté Ringo Starr en 73. C'est l'album de la semaine, l'album Ringo, qui nous a chanté I'm the Greatest. Ensuite, il y a eu Paul McCartney sur l'album Wildlife en 71, qui nous a proposé Tomorrow. John Lennon, c'était Hold On sur Plastic Ono Band en 71 aussi. Et 5 ans plus tard, sur 33 and One Third, c'était True Love, reprise de Cole Porter. Reprise faite par Monsieur George Harrison. Et à l'instant, les Beatles, One After 909. Puisqu'on parle des Beatles, il faut que je vous cite au moins 3 sites. Site d'abord avec un C et 3 sites avec un S. Pour bien tout savoir sur les Beatles, il y a le Maca Club, qui est, vous l'avez deviné, plus sur Paul McCartney que sur les autres, même si on peut parler des autres sans aucun problème. Et McCartney sera en concert le 4 et le 5 décembre. Donc, il y a encore des places. J'ai reçu une invitation pour aller acheter quelques places. Je l'ai refusé puisque j'en ai une. Ça me suffira. Et j'ai pas les moyens d'en acheter d'autres. Et donc, allez voir. Hein. Je sais plus quel site propose encore des places pour Paul McCartney. Et donc, il y a ce site Maca Club sur le net et également sur Facebook. Vous retrouvez Maca Club. Il y a le yellowsub.net qui a un forum également et une page Facebook. Et puis, ce sont les sites français en langue française et il y a le site en langue anglaise de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos 4 amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez, et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Retour à l'album de la semaine. Sunshine, Life for Me, Sail Away, Raymond, Ringo Starr sur RG. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la première chanson « I'm the greatest », Ringo Starr parlait de Billy Shears. Eh bien, on va l'écouter au détour de ces deux chansons, extraits de l'album « Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band ». Et c'est sur RIG, dans la saga des Fab Four numéro 613. Taught the band to play. They've been going in and out of style, but they guaranteed to raise a smile.

You just come along to me because you know. Littéralement, Paul McCartney en 1978 sur l'album London Town dit « J'en ai assez, je n'en peux plus ». Eh bien, il a continué quand même pendant un sacré bout de temps, même s'il en avait assez. Et c'est tant mieux parce que nous, on n'a jamais assez de Paul McCartney. I've had enough sur RIG dans la saga des Fab Four. Attention, c'est Ringo Starr qui va venir tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est John Lennon avec « Bring on the Lucy ». Le Free the People sur RG. All right, boys. This is it. This is it. Over the hill. trouve un peu de son mordant rock et de sa capacité à l'indignation politique dans cette condamnation assassine du gouvernement Nixon, qu'il accuse de bellicisme à l'étranger et de corruption au niveau national. Seul le fait d'attribuer à son ennemi le chiffre 666, symbole biblique de l'antéchrist et surnom que John donnait à Nixon, lit cette chanson à Mind Games, l'album, plutôt qu'à l'album précédent qui était, je vous rappelle, l'album Sometime in New York City, qui était plutôt un beau ratage parce que beaucoup trop politique. Mais cette chanson également est politique, même si elle le cache bien. Et il l'expliquera plus tard, tout était bon contre Monsieur 666 Nixon. Nous avons utilisé la magie, la prière et les enfants dans notre juste combat. Lennon s'amuse de façon rassurante avec les paroles et avec le titre et encourage les musiciens à franchir la colline comme l'enjoindrait un sergent à sa section. Ce morceau est néanmoins sauvé de la médiocrité, c'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire, que par la guitare pedal style enthousiaste de Sneaky Pete Kleinow et la batterie pachydermique, décidément, de Jim Keltner. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là. Et voici, comme promis, l'album de la semaine qui revient. Et cette chanson, tu as 16 ans, tu es belle et tu es à moi. C'est sur RIG, c'est dans l'album de la semaine, c'est Ringo Starr qui chante. Confier pourquoi j'adore cette chanson. En 1986, j'ai le bonheur d'emmener avec moi ma petite amie, ma première grande petite amie qui s'appelle Alexandra. Je ne vais pas dire qui s'appelait, puisqu'elle s'appelle toujours Alexandra. Et nous allons aux États-Unis et nous y passons 4 ou 5 semaines, je ne sais plus exactement. Et un pote américain nous propose d'aller en boîte. Enfin, c'est un bar qui est fait boîte. Et il me dit, l'embêtant, c'est qu'elle n'a que 16 ans et c'est permis simplement à partir de 18 ans. Mais comme elle parle pas anglais et que toi, t'as 22 ans, Thierry, je pense que ça passera. Et c'est effectivement passé. Et alors qu'on était en train de danser tranquillement dans la boîte, et à un moment donné, ce brave pote qui s'appelait Randy, qui était DJ dans ce bar boîte, passe cette chanson-là, You're 16, tu as 16 ans, Et il dit, je propose cette chanson-là pour un ami qui va comprendre pourquoi. Effectivement, Alexandra, à ce moment-là, avait 16 ans, elle était très belle. Et elle était avec moi. Je ne dis pas à moi, mais elle était avec moi. J'ai adoré ce moment-là et je lui avais traduit les chansons, les paroles au fur et à mesure. Un soupir. Animateur radio, un homme et le Zoo Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.

avec Photograph qu'on écoutera en fin d'émission. Deux autres temps forts complètent la face A. Have You Seen My Baby, que l'on vient d'entendre, signé Randy Newman, avec à la guitare reconnaissable entre toutes Mark Bolan, et You're 16, You're Beautiful in Your Mind, un hit des années 60 dont Ringo tirera un deuxième numéro 1 aux USA. Sunshine Life for Me, une galéjade contrisante signée George Harrison et composée en 1969, n'apportait là rien d'extraordinaire au tableau, sauf que je serais tenté de rajouter que ça va très bien à la voix de Ringo. En face B, Ringo se lâche avec un Oh My My, un rock très dansant emmené tambour battant, accompagné d'une rutilante section de cuivre et de chœur féminin. Ça pulse vraiment avec deux batteries, Ringo et Jim Keltner, tout comme pour Devil Woman d'une même facture. Ringo a composé ces deux titres avec un nouveau venu dans son entourage, Vinnie Pancia, un nouveau tandem créatif ainsi né pour quelques années à venir et une poignée d'albums. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Nous en sommes à la cover. La cover, qu'est-ce que c'est? Je viens de taper mon livre sur le tableau, c'est pas grave. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec, enfin, du temps des Beatles ou après, en carrière séparée, et même si eux-mêmes faisaient la reprise de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Du moment que eux l'ont chantée, la reprise de la cover, c'est quelqu'un qui reprend, et ça pourrait être vous, si jamais vous m'envoyez votre titre. Je l'ai déjà fait et je suis prêt à le refaire. Là, c'est Cyril qui me l'a demandé. Il m'a dit qu'il adore cette version de While My Guitar Gently Weeps avec Danny Harrison, Jeff Lynne. Évidemment, il y a Tom Petty et il y a aussi, surtout, un Prince qui nous fait un solo de guitare bluffant. Voici While My Guitar Gently Weeps qui date de 2004. C'était pour l'induction de George Harrison au Hall of Fame. Voilà. Donc, si vous voulez, on a reconnu que c'était quelqu'un d'extraordinaire en 2004 au rock. Pour le rock, pour la musique, etc. Voici cette chanson While My Guitar Gently Weeps, absolument une très très belle version. Ah, il faut regarder le clip parce qu'on voit Danny, on voit Jeff et on voit Tom Petty regarder Prince à l'œuvre et ils sont alors épatés, je ne sais pas trop, mais ils sourient en tout cas, ils sont très très heureux de le voir faire ce solo totalement improvisé, c'est absolument génial. La chanson suivante, vous savez, c'est où les fils d'eux ou les ressemblants à. Eh bien là, c'est un ressemblant à. Lorsque c'est sorti en 1988 sur l'album Fantasy, on aurait pu croire que c'était du Paul McCartney. Le titre, c'est Keeping the Dream Alive. Le groupe est allemand, il s'appelle Freiheit. Je vous propose d'écouter, c'est bluffant et c'est vraiment un très très beau titre. McCartney aurait pu composer ça, aurait pu le chanter à l'époque. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles jusqu'à 22h. We have to try. Je ne sais pas si Paul McCartney a entendu cette chanson et ce qu'il en a pensé. Je sais que pour le groupe 10cc, quand ils avaient composé dans les années 70 « I'm not in love », avec les chœurs qui sont absolument fabuleux dessus, il y a je ne sais plus combien de strates de voix dessus, eh bien il avait dit « j'aurais aimé composer cette chanson, le seul problème c'est que « I'm not in love » c'est pas dans mon style, c'est vrai, il est positif lui, Paul McCartney. Eh bien le voici, Paul McCartney, dans cet album que j'estime être un chef-d'œuvre en 2018. L'album c'est « Egypt Station ». Et le titre que je vous propose dans la saga des Fab Four, c'est Despite Repeated Warning, sur RIG, bien sûr. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's being said. There's a good chance that we have been misled, and so the captain's planning to steer ahead. Save the Yes, we can do it, whoa, whoa. Yes, we can do it, whoa, whoa. Yes, we can do it, whoa, whoa. Ce sera à 22h passé de un petit peu, pas grand chose. Ce sera Eric et sa superbe émission de Johnny de A à Z. Je compte sur vous. Ouais, je sais que je peux compter sur vous. Revoici l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ringo Starr et avec Paul McCartney, c'est lui qui a écrit le morceau. Voici Six O'Clock sur RG. O'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep that

list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between a devil and a deep blue sea. Album, même sorti posthume, il l'avait préparé, il avait laissé des instructions parce que malheureusement il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps et son fils et Jeff Lynne ont terminé les chœurs et ce qu'il manquait. L'album s'appelle Brainwashed, c'était donc George Harrison à l'instant surérigé. On se remet deux Beatles très vite parce que le temps passe très très vite. Voici And I Love You et Gotta Get You Into My Life. Vous savez la chanson qui est chantée Je veux te graver dans ma vie, mais ça ce sera l'émission plus tard. Et je crois qu'il a passé la semaine dernière, donc il ne passera peut-être pas cette semaine. Eric, tu confirmes ? Non, je passerai pas. Tu la passeras pas cette semaine. Bien, mais ce sera Eric tout à l'heure en tout cas. Voici pour l'instant les Beatles par deux fois sur RG. do? What can I be when I'm with you? I want to stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you? Dernier extrait de l'album de la semaine qui ne va pas venir de l'album de la semaine. Je l'ai pris de l'album Give More Love, en 2017 parce que je ne sais pas pourquoi cette chanson ne figurait pas sur mon ordinateur au moment où j'ai mis les disques. Il va falloir que je prévoie ça et que je m'arrange avec ça. Il est hors de question que les chansons de Ringo Starr ne soient pas toutes sur mon ordinateur. Donc voici la chanson refaite en 2017 par Ringo. For George, Ringo Starr dira en chantant cette chanson. Au départ, c'était une chanson qui s'adressait à une fille dont il regardait la photo et il était triste de ne plus la voir. Et puis, depuis la mort de George, cette chanson a une autre signification pour lui. Il regarde des photos de Georges et il se dit « bah tu es parti et je suis bien triste ». Bel hommage de Ringo à Georges. Et pas encore temps de vous dire bonne nuit, surtout vous allez écouter Johnny de A à Z dans quelques instants, mais il y a longtemps que je ne vous ai pas proposé cette chanson qui a été composée par John Lennon pour son ami Ringo Starr. Good night sur RG. You ain't no- On est un petit peu pressé par le temps, donc je vous propose d'écouter les deux titres qui manquaient du medley Abbey Road de la semaine dernière. La semaine d'avant même. Because, enfin, Here Comes the Sun et Because sur RG. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here. Here ses yeux ni ses oreilles. Le générique à 21h58, ça n'arrive jamais. Eh bien aujourd'hui, c'est arrivé. C'est pas possible. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Je sais que ça va très bien se passer avec Eric dans quelques instants. À très bientôt. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 613. Bisous les filles, prenez une main aux garçons. Ciao.